بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد وهو باب الأذن والإقامة. بشابيت دو الأذن لابيل على الصلاة والإقامة كي سولي كي جوست افون لاكوبسمون دو الصلاة. يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأذان في اللغة الإعلام، أي أعلمهم بهم وأعلمهم بهم. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج. دونك الأذان لونغستيكمون بارون سافو دير لانونس، اون انونس دو لا فاس سافوار اون شوز كون دو سونس ولا إلا دي اي انفورم لي جون لور دو حج، انونس لور. وفي الشرع الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص، وهو من فضائل الإسلام وشعاره، وشرع في السنة فشرع في السنة الأولى من الهجرة على رأس 9 أشهر من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. Et dans la législation, c'est en fait le fait d'annoncer l'entrée du temps de la salat avec un rappel particulier, c'est-à-dire des paroles particulières. Et cela fait parmi les grands mérites de l'islam et parmi ses emblèmes. Et qu'il fut légiféré la première année de la hijra, 9 mois après la venue du Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Al-Medina. D'ailleurs, au début, les sahaba s'étaient réunis, comme dans le hadith de Ibn Omar, lorsqu'ils sont arrivés à Al-Medina, ils voulaient faire une façon de, trouver une façon d'appeler à la salat. Donc, ne connaissant rien d'autre que ce qu'ils connaissaient auparavant de la part des juifs qui avaient leur trompe, ou le feu des majous, ou les cloches des chrétiens. Et l'ansara, ils ne savaient pas quoi faire, et c'est Omar qui a donné l'idée qu'un homme le fasse avec sa voix. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Bilal: Koum fa'azin, lève-toi et fais l'adhan. Taïm. Donc, natroulou fil hadith al-hadi wa sittin, 61e hadith. Yaqul an Anas bin Malik radiallahu anhu qala: Umira Bilal an yashfa' al-adhan wa yutir al-ikama. Selon Anas ibn Malik, selon Anas ibn Malik, qu'il a été dit que Bilal a été ordonné de faire l'adhan en nombre pair et de faire l'iqama en nombre impair. Yaqul Fadilat al-Shir ibn al-Thaymin, rahimahullah ta'ala. Arawi Anas ibn Malik, donc le rapporteur c'est Anas ibn Malik, dont la tarjama a été citée dans le 11e hadith. يقول موضوع الحديث سجد الحديث بيان كيفية الأذان والإقامة. Le comment, c'est-à-dire la façon de faire l'adhan ainsi que l'iqama. On va expliquer l'adhan, c'est l'annonce principale de l'entrée du temps. Et l'iqama, c'est l'adhan, le petit adhan qui a lieu juste avant que la salat soit accomplie. يقول الشرح الإجمالي, donc l'explication globale. يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد مؤذنيه بلال ابن رباح أن يجعل الأذان شفع، أي يكرر جملة تكرارا وزوجية. Donc Anas bin Malik رضي الله عنه nous informe que le Nabi صلى الله عليه وسلم a ordonné à Bilal, qui était l'un de ses deux مؤذنين à l'époque, de faire l'adhan, c'est-à-dire de répéter deux fois chaque phrase. قال أكثر أذان لأن آخر كلمة لا إله إلا الله مرة ليختم بالتوحيد على وتر. C'est-à-dire, en fait, c'est presque la totalité de l'adhan, hormis la dernière phrase qui est la fin de Tawhid lorsqu'il dit La ilaha illallah, afin que cet adhan finisse sur un nombre impair. وما الإقامة فأمره أن يجعلها وترا لا يكرر جملها. Quant à l'إقامة, il a ordonné qu'il le fasse en nombre impair, c'est-à-dire qu'il ne répète pas les phrases. والمراد ما عدا التكبير وقد قامت الصلاة. Et cela, ça concerne toutes les phrases hormis les deux takbirat et lorsqu'il dit قد قامت الصلاة. فإن شوفع كما في حديث آخر. Car cela sont faits en nombre pair, comme cela a été cité dans un hadith. وذلك لأن الآذان للبعيدين فكان من الحكمة تكرارها ليتحقق سماعها خلاف الإقامة. Il a dit, et la cause de cela, c'est que l'adhan, le premier adhan, pourquoi on le fait en nombre pair? C'est pour que, à la base, les gens qui soient loin l'entendent bien, et qu'ils se répètent. Alors que l'iqama, à la base, c'est fait pour les gens qui sont proches, qui sont déjà dans le masjid, au premier rang ou quoi. ou deuxième enfant qui sont dans les rangs de la salade, je veux dire. Donc eux, il n'y a pas besoin de répéter. Ils sont proches, ils entendent. يقول فوائد الحديث من هذا السلمة وجد الحديث أولا المشروع في الأذان أن يكون أكثره شفعة ليتحقق سماع البعيدين en premier lieu ce qui est légiféré c'est que l'Azan soit fait de nombre pair c'est-à-dire tous sont répétés deux fois d'accord la plupart de l'Azan afin que ceux qui soient loin puissent bien entendre ثانيا أن المشروع في الإقامة أن يكون أكثره وترا ولينها للحاضرين في الأصل ولغيرهم في التبعية. Et ce qui est légiféré dans l'Iqama, c'est de la faire une seule fois. C'est-à-dire nombre impair, de ne pas avoir répété la plupart de l'Iqama. Car à la base, cela est fait pour ceux qui sont présents. Et autres pour ceux qui sont derrière eux, qui sont proches. يقول ثالثا الحكمة في التشريع الإسلامي. Cela montre la sagesse qui est dans la législation de l'Islam. وهكذا. نعم. Donc là, ce qu'on a pris aujourd'hui par rapport à l'Azan. On a tafi biha. Walhamdulillah bil alamin.